Alors, une coupe un peu abrupte, mais nous faisons une petite pause. Vous venez d'entendre le début d'un entretien entre Hildegard Westerkamp et Caroline Profanter. On les laisse pendant une dizaine de minutes pour écouter un documentaire autour de Jörg Frey, donc le compositeur qui était venu jeudi pour sa pièce « I Listen to the Wind » qui a été jouée dans la grande salle. Donc c'est un entretien avec lui mêlé à la répétition de cette pièce. Bonne écoute. Je suis Jörg Frey, je suis un compositeur. J'ai écrit une pièce qui va être jouée ce soir, c'est « I Listen to the Wind Again ». Et je me réjouis de revenir à Archipel. Et c'est bon, si les deux plans, c'est tout petit, non ? C'est toujours un peu... It gives a bit structure. Before it's, it has a structure too, but it's not so clear audible what the structure is. But here, you can make a bit ground too. Yeah. C'est le vent, Zeller, ce sont le bas de la pièce. On entend le vent, quand le vent touche les choses, et c'est une musique très fragile et très... Il a toujours la tendance d'aller vers le très très pianissimo. Trouver une atmosphère du vent et de l'air, c'est une base de la pièce. Il y a aussi une connexion avec le vent de la vie, la fragilité de notre vie. Le fin, c'est une très courte bohème. Il dit l'âme et le corps se séparent. Those the three tones, they always seem too long to me. Am I not counting? C'est pas dit que c'est le mort, mais c'est une allusion. C'est la pièce est aussi une possibilité de penser sur la vie et sur le mort. La pièce a une durée de 45 minutes. C'est une grande pièce. Mais pas des grandes choses, des tumultes, des grandes explosions et des choses comme ça, mais des sentiments très profonds intérieurs. C'est toujours entre les émotions intérieures et... Parce que le chant, c'est toujours un chemin qui circule un peu entre les deux. J'aime vraiment que le vent et l'air en français, c'est aussi les mélodies. Ils touchent les mélodies. On touche très doucement les mélodies. Et on touche très doucement l'air, le vent. L'instrumentation, c'est un triaccord, la clarinette et le percussionniste et le soprano. J'ai essayé de ne pas faire une cantate. Ça veut dire que pas le soprano raconte l'histoire et les autres sont au deuxième plan. Oui, oui, ils font les colors, ok. Mais tous les instruments font un corps musical, et la voix est un part de cet corps. Ma musique, ce n'est pas une musique avec des hiérarchies claires. Ce sont des hiérarchies qui changent toujours. Et c'est aussi parce que si on a des hiérarchies claires, c'est l'opposition de la fragilité. Pour cette pièce, une part, c'est le texte que j'ai fait. Ce sont des listes des mots. Parce que j'ai travaillé très souvent avec des listes de mots et des listes de sons. C'est une combinaison qui, pour moi, va très bien. Et j'ai aussi une mode de travail qui est très fondamentale. Une liste, c'est presque rien. C'est la base de cette pièce. Et j'ai ajouté un bohème de Ethel Adnan. J'ai ajouté deux lignes de Pierre Chapuis. Et quelques mots de Gustave Roux. Ethel Adnan et Gustave Roux sont des cultures très très différentes, mais ce sont des personnalités très très proches. De sensibilité pour la nature, des sensibilités pour... Je me sens très proche à tous les deux. Ils ne font pas des proclamations directes. De faire l'art, c'est une mode de vivre. Comme on vit et on écrit, et c'est le centre du travail. Mon lieu de travail, c'est le livre d'esquisses. Toutes les questions de paysage, c'est une situation de l'homme dans le paysage et la solitude et les autres champs et le temps et le vent et l'air et le soleil et toutes les nuances très subtiles qui m'intéressent. La lecture de Gustave Roux, je le fais maintenant depuis 15 ans. Pour moi, c'était... La lecture, c'est pas facile pour moi. C'est un français assez compliqué et ça va pas trop vite. Ça veut dire que je dois toujours utiliser le vocabulaire. Mais j'ai trouvé un chemin. Ma lecture de Gustave Roux, c'est exactement la même chose que promenade dans le paysage. Je ne peux pas lire 5 pages, pas seulement pour regarder au vocabulaire quel est le mot, mais aussi de report de réflexion. C'est très, très intéressant. Normalement, on ne peut pas continuer parce qu'il est difficile à comprendre ce texte. C'est un peu ennuyant. Mais avec Gustave Roux, j'aime ça. Je commence à lire, je fais une page, et puis je reprends la page, et je commence à comprendre mieux qu'est-ce qu'il veut dire. C'est exactement comment Gustave Roux marche. Il fait toujours le même chemin, tous les jours, et c'est la même chose pour ma lecture de Gustave Roux. Je vois un parallèle très, très touchant pour moi. Les influences sont pas primaires, des influences de la musique, d'autres compositeurs, mais elles sont des influences de la littérature ou des peintres. Par exemple, des influences de peintre Agnès Martin, un peintre américain minimaliste, mais aussi très expressionnisme. C'est toujours le contact avec la toile et le crayon. Et ça me touche. C'est aussi, pour moi, c'est toujours le contact avec le crayon, avec la plume, avec le papier, avec les notes. Et c'est une influence de la peinture sur mon travail. Archi Radio. La radio du festival Archipel. En direct. De 10h à midi. Sur archipel.org. C'était un documentaire sur Jörg Frey, fait par Clara Allouin. Merci beaucoup, Clara. Très beau documentaire, vraiment plaisir à écouter. Vous pourrez le réécouter si vous n'avez pas tout compris sur les archives du Festival Archipel.